Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 27e numéro du mag. Comme chaque semaine, votre dose de news comics VO et VF, mais également un point sur l'actu du côté des adaptations de comics à la télé et au cinéma. Le fun fact de la semaine, je suis Mathieu et vous allez écouter le 27e numéro du mag. Et avec moi cette semaine, Arnaud, salut. Clément, salut. Et Irish. Salut. On va commencer, comme d'habitude, par l'actu télé. Et c'est toi, Clément, qui va ouvrir le bal avec un casting? Ouais, non, c'est plus un truc que j'ai vu qui m'a fait rire. Donc c'est pour ça que j'ai mis pas de news, c'est juste parce que c'est un truc très con, quoi. Allez juste voir sur le computer de Golden Age. Comment il était déguisé sur Ursula, enfin, je vous mets au défi de le reconnaître, il est méconnaissable. Ouais, quand j'ai dit ça, ça m'a fait rire. Bah, il avait fait l'année dernière, donc toujours pour la soirée d'Halloween, hein, il s'était déguisé en Fiona de Shrek. C'était du même acabit. Les costumes de Colton Haynes valent toujours le coup. Ouais, donc ça m'a, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Du coup, voilà. On pourrait le voir dans un film. Allez, on va passer aux vraies news cette fois, et c'est toi qui ouvres le bal, Irish, avec synopsis pour Supergirl. Normalement, l'épisode du pilote n'est pas encore sorti officiellement. C'est ça. Ouais, mais déjà, on a déjà le synopsis des épisodes 2 et 3, et on aura Kara qui, par rapport aux événements du pilote, elle va se retrouver en situation d'échec par rapport à sa nouvelle position dans la ville. Et donc, les habitants et elle-même vont se demander si elle est vraiment capable d'avoir le même rôle que Superman a dans sa vie. Et donc, malgré ça, elle aura quand même aidé à capturer un évadé de la prison kryptonienne qui a été introduit dans l'épisode pilote. Pour l'épisode 3, qui va s'intituler Fight or Flight, en gros, bat-toi ou envole-toi, qu'à Supergirl, elle aura affaire à Reactron, qui est un ennemi de Superman, qui va vouloir se venger de Superman en essayant d'éliminer sa cousine. Donc, encore très très lié à Superman, tout ça. Ouais, comme s'ils avaient besoin de se raccrocher à ça. Voilà, exactement. On sent qu'il l'épisode, il tire vraiment sur la corde Superman pour pouvoir exister. Et à savoir que cet épisode sera écrit par Dermot Downes, qui est un des auteurs pour Arrow. À savoir quelle saison d'Arrow. J'espère pas les dernières saisons. Ouais. Mais on va voir. Donc effectivement, le lien avec Superman, on insiste bien dessus. Ça montre la grande confiance qu'on a. C'est ça. Arnaud, de Supergirl à Krypton. Ouais. La transition est facile. Une série dont on n'avait plus entendu parler et qui d'un coup revient. D'ailleurs, c'était pas officiel. Warner a jamais officialisé l'annonce, mais on en avait entendu parler il y a quelques mois. Une série Krypton, écrite par David S. Goyer, donc qui est connu pour être le scénariste de entre autres Man of Steel et Batman v Superman et des Batman de Nolan par exemple. Et donc il est censé écrire le pilote. Et lors d'une interview pour sa série Da Vinci's Demons, une journaliste a eu la bonne idée de lui poser quelques questions. Et il a donné quelques infos sur le pilote qu'il est en train d'écrire. Et donc, l'histoire de Krypton se passera 200 ans avant Man of Steel, avant ce qu'on voit, avant le prologue de Man of Steel où on voit la destruction de Krypton. Donc là, ce sera vraiment pour découvrir comment fonctionne Krypton, comment est la ville là-bas. Ils vont développer tout ce qui est la culture kryptonienne, l'art de Krypton, les différents groupes, etc. Et explorer les différentes villes de la planète et les lunes qui sont autour de la planète. On sait pas grand chose de plus. À part la fois importante, si on peut dire, c'est que ça se passe 200 ans avant Man of Steel, donc sans doute pas de lien avec le cinéma, comme souvent chez DC et les séries. Ouais. Mais c'était pas bien arrivé. Non, pas du tout. Non, bah, mais surtout que, à force de pas entendre parler, on se disait, tiens, peut-être que c'est bon. Et bah, en fait, non. Et ben, non. Ils y pensent encore. Comme quoi, ce genre de truc, ça finit toujours par revenir. Malheureusement. Ouais. On va rester à l'univers DC, on va passer à CW avec Legends of Tomorrow et la confirmation d'un personnage qui sera bien présent dans Legends of Tomorrow, c'est le personnage de Connor Hawke. Connor Hawke, c'est tout simplement dans les comics le fils d'Oliver Queen. Oh. Donc, qui viendra sans doute, enfin, qui sera sans doute quelqu'un du futur. Hein, Avec qui? alors, avec Sandra Hawke, d'où le nom de Connor Hawke, Oh. qui est une collègue tout simplement d'Oliver, hein, qui se tape à peu près tout le monde dans sa boîte. Connor Hawke dans les New 52, c'est le Red Arrow aussi, et il fait partie de la World Army. Il a été cependant annoncé, enfin confirmé ou dit par Warner Bros. Que Connor ne serait pas le fils d'Oliver et Sandra Hawke. Ils ont dit Ah. ils ont dit que c'était pas le fils de Sandra Hawke. C'est ce que je dis, pas le fils d'Oliver et Sandra Ouais. Hawke, mais sûrement d'Oliver et quelqu'un d'autre. Bah, on sait déjà qu'il a un fils ailleurs. Hein. Donc voilà. C'était sous-entendu dans la saison 2. C'est vrai. Donc du coup, à suivre pour savoir un petit peu qui seront les parents de fameux corps et ce qui viendra bien du futur ou terre parallèle qui permettrait d'éviter de faire une esquive concernant ses parents dans les comics. À suivre. Toujours dans l'univers CW, The Flash, cette fois, deux news, Clément. La Ouais. première confirme ce qu'on savait déjà, et la deuxième, bah aussi. Voilà, donc la première c'est concernant Rob Gamel. Donc s'il pouvait penser qu'on n'allait pas le revoir dans The Flash, ne peut plus le penser parce qu'il confirme à peine hein, à demi-mot qu'il reviendra dans The Flash, ouais. The Flash dans The Flash avec ni plus ni moins qu'une photo postée sur Instagram et où il dit Firestorm is in good hands but I'll be back. Donc, ça veut tout dire. C'est ça. C'est Et puis ça. un autre qui va être back, du coup. Bah, Gorilla Grodd, qui a Évidemment. été teasé par l'actrice qui fait Snow. Donc j'ai réussi à retrouver lui. Panna Baker. Oui, voilà. En gros, dit qu'elle en a pas. Que Gorilla Grodd n'en a pas fini avec elle. Voilà, faut s'attendre à le revoir, mais est-ce que c'est une surprise? Voilà, et on va le Pas du revoir tout. dans un King Kong style, comme il a été teasé. D'accord. Bon, bah deux personnages on le savait, hein, Grodd, c'était évident qu'il allait revenir, enfin grand ennemi de Flash, Bah oui. Robbie Amell, on n'en doutait pas une seconde. Allez, on a fini avec DC ou presque, Arnaud, on va pas se faire un petit détour par Vertigo et la série Preacher. Oui, donc qui a été commandé il y a quelques semaines par AMC. Et on a appris qu'on allait avoir le premier trailer le 1er novembre. Et quoi de mieux que pour promouvoir une nouvelle série sur AMC que de lancer le trailer avec la plus grosse série de la chaîne, donc The Walking Dead. On serait du Donc, câble. oui, enfin même de toute la télévision Oui, c'est ça. américaine. Et donc on a appris que le 1er novembre, donc ce sera l'épisode 4 de The Walking Dead, pendant les pubs, on aura le droit au premier trailer de Preacher. Et à noter que cet épisode 4 durera une nouvelle fois 1 heure et demie, enfin un peu plus d'une heure sans les pubs. Ouais, donc idem que pour le season première. On verra si ça prend le même chemin au niveau intérêt. Auquel cas, il faudra que les fans restent éveillés pour voir la pub. Allez, une seule news du côté de chez Marvel Studios et de ses séries, c'est pour Agent Carter, Arnaud. Ouais, F1 News, oui, enfin, on a pris un casting, mais comme toujours chez Marvel, on ne sait pas grand-chose. C'est le casting de Kurt Wood Smith, donc qui est connu surtout pour avoir joué dans le premier Robocop. Et donc on a appris qu'il jouera Vernon Masters, un vétéran du département militaire dans les années 60. Et donc on ne sait rien de plus. Hein. Et le nom de Vernon Masters n'existe pas dans les comics Marvel. Mais il y a un Tony Masters pardon, qui existe et qui est connu pour être le Taskmasters. Alors est-ce qu'il est lié ou pas? Ouais, À voir dans la saison 2 en 2016. on avait entendu parler effectivement du Taskmaster, le maître de corvée, donc en grosse rumeur pour le MCU et notamment à John Carter, donc ça pourrait le faire, ça pourrait être lié, effectivement. Voilà pour l'actu télé de cette semaine, actu plutôt pauvre hein, par rapport à ce qu'on a pu avoir les Ouais. dernières semaines, pas grand-chose. Avant de passer au comics VF, et là c'est un peu moins pauvre, le petit fun fact de la semaine, vous en avez l'habitude maintenant, un fun fact qui va faire plaisir à Elvire, à Elodie, à toutes les filles de l'équipe des podcasts, puisqu'on va parler de Venom. Venom qui a été créé, on le sait, par David Michelinie. Et à la base, David Michelinie, quand il avait créé Venom, il l'avait écrit comme étant un personnage féminin. Et ça a été modifié parce que l'éditeur de l'époque a fait une remarque très judicieuse. que tout simplement les lecteurs ne verraient pas une femme comme une menace pour Spider-Man. On ne sait pas. On ne sait pas, hein, une femme, ça peut être dangereux. Voilà, donc les lecteurs ne verraient jamais une femme en tant que menace physique crédible face à Spider-Man. Et c'est cette petite remarque de l'éditeur de l'époque qui a fait changer d'avis David Michelinie, et du coup, Venom est bien devenu un personnage masculin. Voilà, donc qui est le pire dans l'histoire, l'éditeur ou Michelinie ? L'éditeur. Au final, s'il avait pas changé, l'éditeur aurait jamais accepté, donc l'un comme l'autre, en final. L'éditeur. L'éditeur, c'est vrai qu'il y a une remarque quand même bien dégueulasse, mais Michelinie, quand même, lui, fin, c'est quand même couché face à ça, enfin, je sais pas, c'est... Bah, et, fin, au final, il a pas vraiment le choix. Son personnage n'est jamais passé, donc au final, c'est l'éditeur le gros connard. Bah, et t'essaies de savoir aussi, c'est parfois aussi le public, parce que le public, ils ont raison, ils se basent aussi parfois par rapport à la réception que le public va avoir. Et... Ouais, mais c'était une époque différente. Aujourd'hui, oui. Ça peut être plus facilement, mais à l'époque... Oui, à l'époque, exactement. Donc, ah bah aujourd'hui, c'est même l'inverse. On a tendance à vouloir mettre tous les personnages à la sauce. D'ailleurs, plein de personnages masculins sont carrément convertis au féminin. Oui, voilà. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, la question se poserait même pas. Évidemment, on sauterait en plus un méchant féminin, un méchant en plus vachement menaçant et super sombre comme peut être comme Venom. Venom, oui. Évidemment, aujourd'hui, voilà, les éditeurs seraient frottés les mains. Voilà, comme quoi les temps ont changé. Ouais, c'est ça. Encore heureux. Allez, on va passer à l'actu comics du côté des comics VF pour commencer. On fera les comics VO plus tard dans l'émission. On va parler d'une convention, mais pas celle qui avait lieu ce week-end. On va parler de celle qui est la vraie, celle qui va avoir lieu en avril. Pour voilà, si, tout simplement, si vous voulez entendre parler de la Comic-Con ou avoir des avis sur ce qui s'est passé à la Comic-Con ou quoi, allez lire sur leur page Facebook les avis des gens. Nous, on n'y est pas allé, donc je me vois mal commenter cet événement. En n'y étant pas allé, c'est un choix hein, de ne pas y être allé pour ma part en tout cas. Donc du coup, allez voir les commentaires, allez voir les notes que les gens ont laissées. Voilà, c'est ça parle, hein, ça parle de soi-même. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà. A priori, elle a été renouvelée pour la saison prochaine quand même cette convention avec un jour de plus. Donc, un jour et demi. Ah, c'est un jour et demi. Bah, sauf si le premier jour. 24 jours. Hein. Sauf si le premier là, jour. Là, c'était deux et demi. Sauf si le premier jour est une demi-journée oui. Comme cette année. En tout cas, ils ont rajouté une journée au moins. Bah, oui. J'espère pour eux que ce sera mieux que cette année. Hein. À suivre. En tout cas, nous, on va s'intéresser à l'avenir, à quelque chose qui s'annonce bien plus alléchant, notamment avec un nouvel invité, Arnaud. Oui, donc c'est la Paris Comics Expo qui va se dérouler du 15 au 17 avril. Et donc la veille de la Comic Con, ils ont pas choisi au hasard, la veille de la Comic Con, ils ont annoncé un nouvel invité qui est Joe Maderera, donc qui est connu pour Avenging Spider-Man, Savage Wolverine ou plus récemment Inhuman. Et donc il a été annoncé pour ce festival qui comprend déjà pas mal d'auteurs comme Bruce Timm, Umberto Ramos, Arthur Adams, je sais plus trop qui, mais il y a une la liste est trop longue de toute façon. Et puis ils ont ça, c'est juste du côté comics. Après il y a tout ce qui va être écran qui sera annoncé plus tard. Ouais. Joe Mad comme on le surnomme, hein, qui est un artiste de génie, un dessinateur vraiment de génie qui récemment été plus porté sur le jeu vidéo, adapte une licence qu'il avait créée en comics en jeu vidéo, Battle Chasers. Donc voilà, c'est encore une grosse pêche pour la Paris Comics Expo, qui en a profité, Arnaud, pour ouvrir sa billetterie. Voilà, et donc l'annonce de l'invité, c'était la veille de la Comic-Con, et l'ouverture de la billetterie, c'était le premier jour de la Comic-Con Paris. Magnifique. Voilà. Et quand tu vois les prix, il s'est sans doute pas choisi au hasard non plus, puisque c'est beaucoup moins cher. Pour le pass pour toute la convention, on a 10€ d'écart. Ouais. À suivre. Il y aura encore des autres annonces. De toute façon, on vous en fera le relais, mais voilà. Oui, avril, c'est dans longtemps encore. On n'a pas fini de parler de la PCE. En tout cas, là-bas, nous, on y sera. On va continuer avec Panini, qui a annoncé cet après-midi, nous sommes dimanche 25 octobre, pour info, qui a annoncé cet après-midi, lors d'une conférence, le programme pour la publication de Secret Wars en VF. On l'attendait un peu, hein, surtout depuis que on savait que ça allait être pour janvier, avec l'annonce de l'arrêt de tous les kiosques en décembre. On sait maintenant comment ça va se passer. Je vais vous l'expliquer rapidement. toutes les revues s'arrêtent. Elles vont être remplacées par 11 revues mensuelles, plus de bimestrielles, pas de choses comme ça, 11 revues mensuelles qui vont être en vente pendant 5 mois, qui s'appelleront toutes Secret Wars quelque chose. Pour le mois de janvier, voilà le menu un petit peu qui nous attend. Donc les 11 revues sont Secret Wars, évidemment, qui va contenir la série principale. 96 pages, 4,60€. Secret Wars Spider-Man, qui contiendra pas mal de séries liées à Spider-Man, donc Renew Your Vows, Secret Wars 2099, Spider Alliance, Spider-Verse, 96 pages, 4,90€. Deadpool, évidemment, hein, qui va contenir donc les séries liées à Deadpool, plus Giant Size Little Marvel AVX de Scotty Young. Ah ouais. Et oui, ça sera dans la Secret Wars Deadpool. De toute façon, Panini a fait le choix de tout publier. Toutes les séries publiées par Marvel en VO autour de Secret Wars seront publiées dans ces kiosques. Il y aura, et ce sera tout en kiosque. Il n'y aura rien en librairie dans un premier temps. Donc, vous avez possibilité de choper l'intégralité de des titres en kiosque. Une revue Gardien de la Galaxie avec tout ce qui est lié plus ou moins aux Gardiens et à l'univers cosmique de Marvel. Une revue Ultimate End, qui concernera donc Ultimate End, mais aussi la série Inhuman Attilan Rising, le Squadron Sinister et Captain Marvel and the Carol Corps. Une revue Civil War, évidemment, avec Civil War notamment, Hail Hydra, Planet Hulk, et puis 1872. Une revue Avengers, avec A-Force, Thor's, Armor Wars, Future Imperfect. On aura droit également à Battle World, avec Battle World, Weird World, Where Monsters Dwells et Runaways. On aura aussi Masters of Kung Fu à l'intérieur de ce magazine. Un mag Marvel Zombie, un mag Old Man Logan et un mag X-Men. Voilà pour le programme des 11 magazines qui font tous 96 pages et sont tous au prix de 4,90€, sauf le magazine principal qui lui est à 4,60€. Voilà, en gros, ce qui nous attend pour janvier. Panini a précisé que tous les sommaires ont été réfléchis et pensés pour que dès février, de nouvelles séries soient incluses dans les magazines. Et il y aura comme ça une rotation au sein des magazines sur 5 mois pour que tout soit publié. Donc s'il y a des séries qui ne sont pas encore annoncées, elles arriveront plus tard. Ou les one-shots notamment, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis, les collectionneurs seront contents puisque chaque mois, Panini sortira un coffret qui regroupera les 11 revues, plus les 3 revues qui auront droit à des couvertures variantes. Donc pour le mois de janvier, ce sera Spider-Man, Secret Wars et Avengers, je crois, je sais plus. Civil War, voilà. Donc ce coffret contiendra donc 14 magazines et coûtera 75€. Voilà, donc c'est 7€ de plus que si on achetait tous les magazines à l'unité. Voilà, des réactions à ça? C'est ambitieux, de vouloir tout proposer. Oui, c'est vrai que c'est ambitieux, tout publier comme ça, 11 magazines, machin, oui, c'est... Bon, voilà, moi je retiens... Tout ne vaut pas le coup. De quoi? Tout ne vaut pas forcément le coup. Tout ne vaut pas le coup, mais au moins tout sera proposé, après les gens... Oui. Ouais, voilà. C'est bien ça. Et puis surtout, tout sera proposé à moins de 5€, c'est-à-dire que pour un mag Panini, bah, vous n'auriez eu qu'un épisode en VO. Donc voilà, c'est quand même un des gros intérêts aussi. Le coffret à 75€ peut paraître cher comme ça, mais au final, pour un truc un peu collector qui fait joli dans les bibliothèques, la différence de prix par rapport à l'achat de tous les magazines séparés est pas si grande. Donc ils auraient pu se faire encore plus plaisir, je pense, au niveau tarif. Donc je trouve que sur le coup, Panini a plutôt assuré. C'est pas mal. Et puis, si on se tourne du côté des kiosques et qu'on reste en kiosque, sachez que le 5 novembre, vous aurez droit à une nouvelle collection. Alors, on a eu droit à la collection Marvel par Hachette. On a droit, qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs, on a droit à la collection DC par Eagle Moss, qui a commencé récemment. Et bien, le 5 novembre, Hachette, encore une fois, va attaquer une nouvelle collection en kiosque et ce sera la collection Star Wars qui va reprendre tous les tomes Star Wars sortis en librairie par Delcourt. D'accord. Classé. Non, pas de mémoire. Ah non, c'est avec les anciens, je crois. Ben, c'est les anciens, hein. C'est l'ancien univers partagé de Star Wars qui va sortir. Ah oui, non, d'accord. En fait, ça a l'air bien. Dans une seule collection, voilà, avec évidemment la frise sur la tranche des bouquins, ouais. Et puis les tomes seront classés par ordre chronologique par rapport à l'univers Star Wars. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Donc les tarifs seront sans doute les mêmes, hein, 12€ et quelques pour chaque volume, voilà. Ce qui est, quoi qu'il arrive, moins cher que les éditions Delcourt, à voir la qualité des bouquins et comment ils sont faits. Mais... Les fans de Star Wars seront peut-être intéressés. Bah ouais, écoute, bon après, c'est le prix, quoi. C'est ça, par mois, il faut être capable de mettre 25€. Ah bah oui, d'accord. Puisque deux numéros sortiront par mois. Voilà. Ah ouais, oui, effectivement. Ça va être le premier vendu 4€, quoi. C'est ça. Et toujours les annonces de sorties Urban. Alors on avait fait un beau catalogue la semaine dernière. Urban a remis le couvert cette semaine et a annoncé la fin de sa checklist pour février et mars. Clément, je vais te laisser nous parler des titres Batman que toi tu as retenu. Donc Batman Black and White, donc le tome 1 toujours dans la collection DC Deluxe, donc qui sortira le 4 mars 2016, Ouais. à soit 368 pages et pour un prix de 28 €. Bah, comme le titre hein, le dit, bah, c'est que du noir et blanc, quoi. C'est un peu de ce qu'on avait pu voir. Bon là, c'était les éditions, on va dire, collecteurs limités de tous les Batman, de Court of Owl, etc. En noir et blanc, sauf que là, ça a été fait. Enfin, apparemment, si j'ai bien compris, c'est vraiment fait exprès black and white. Il y a eu que ça, il n'y a pas eu de version couleur. Donc après, j'ai jamais eu l'occasion de lire, donc je sais pas ce que ça vaut. Ouais, et du coup, ouais, donc oui, c'est une série qui était sortie, hein, uniquement noir et blanc, effectivement, c'était le concept. Et puis, le troisième, c'est Batman Aventure. C'est ça. Donc dans la collection Urban Kids, donc, qui sortira le 4 mars 2016 et pour 10 €. Bah, Batman Adventure, c'est ni plus ni moins inspiré, tiré de notre série, de toute notre enfance, donc les aventures de Batman. Donc après, je t'avoue que c'est la première fois que j'en entends parler. En tout Donc, cas, c'est la première fois qu'on parlera dans cette liste de Bruce Team et c'est pas la dernière. À croire que le monsieur vient en mars, en avril. à croire. À croire. Pour ma part, j'ai retenu C'est un oiseau, alors qu'un livre, enfin qu'un bouquin un peu à part du reste dans la gamme urbaine graphique, qui est un livre un peu méta sur l'histoire de Steve, qui est un auteur à qui on propose d'écrire les aventures, les nouvelles aventures de Superman, le plus grand de tous les héros. Et lui, de son côté, dans sa vie perso, il va de merde en merde. Il est en train de vivre vraiment les pires moments de sa vie. Son père qui disparaît, une maladie génétique dont il apprend l'existence et dont il souffre. Et qui menace sa vie, mais aussi celle de ses enfants. Enfin voilà, il est vraiment au fond du trou et en même d'un côté il vit ça et de l'autre côté il doit imaginer la vie d'un personnage qui a des pouvoirs inimaginables, voilà, qui est capable un peu de tout. Et voilà, on va voir si, enfin voilà, c'est la question, est-ce que ce personnage fictif, ce symbole, va être capable de sauver son existence à lui? Donc du coup la présentation et le petit résumé que nous en fait Urban, moi, m'a bien tenté, ça a l'air d'être quelque chose d'assez touchant et qui est un peu à part. Donc J'adore le concept. pourquoi pas tenter, ouais, pourquoi pas tenter. J'ai retenu évidemment Luthor, le Oui. Luthor de Liber Mero. Je dis de Liber Mero, mais c'est de Liber Mero et Brian Azzarello évidemment, la même équipe, hein, celle qui a proposé Joker, qui était déjà sortie chez Urban il y Ouais. a quelques temps. Et ben voilà, ils avaient fait Joker, ils avaient aussi fait Luthor, et du coup Luthor arrive chez Urban le 11 mars pour 15 € 144 pages. L'accroche d'Urban pour ça est tout simplement: et si Luthor avait raison? Voilà. C'est un peu autour de ça qu'on travaillait Azzarello et Liber Mero. Et si Luthor avait raison? Et si Superman finalement n'avait pour but que celui de nous asservir sous ses airs de créatures venues pour nous sauver. Donc voilà, intéressant là aussi. Puis en plus voilà, graphiquement Liber Mero, voilà, c'est, enfin, moi du coup je l'ai déjà lu, je le connais, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, c'est vraiment à lire. Dans l'univers DC, Arnaud, toi tu as retenu un titre consacré à Superman, j'allais dire Spider-Man, n'importe Oui, Superman. Ils n'ont pas encore changé quoi. Non. d'éditeur. Et oui, donc c'est Superman, les derniers jours de Superman, ou en anglais Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Et donc c'est pour commémorer la disparition de Superman 10 ans auparavant, un journaliste interview Lois Elliott, qui est le nouveau nom de Lois Lane, et c'est pour retracer la vie et les aventures de Superman jusqu'à son ultime apparition. Et donc dedans, on retrouvera Superman 423, Action Comics 583, le Superman Annual 11 et le DC Comics Presents 85. Donc 4 épisodes pour 15 €. Donc il sortira le 4 mars. Et toujours chez DC, enfin plutôt Vertigo, c'est le troisième tome de Preacher. On parlait de la série tout à l'heure, mais les comics sortent actuellement chez Urban. Et là, c'est un gros tome avec les numéros 27 à 33, plus les quatre épisodes de Saint of Killer et Cassidy Blood and Whiskey. Donc un gros volume pour 28 € qui sort un peu plus tard le 25 mars. Et ensuite, j'ai retenu un autre livre un peu particulier. Comme tu parlais tout à l'heure sur Boosteam, c'est ce que Urban a appelé les grands entretiens de la bande dessinée Boosteam. Et donc, c'est un livre sur le travail de Boosteam, donc surtout sur la série animée Batman, mais aussi dans tout ce qu'il a fait à côté, avec beaucoup d'illustrations, bien sûr, et d'interviews. Et bien sûr, alors il y a 128 pages pour 19 euros, et ça sort le 11 mars, donc un petit mois avant son arrivée à la Paris Comics Expo, si jamais vous voulez vous faire dédicacer. C'est parfait. Voilà. Tout est prévu, hein. De toute façon, clairement, tout est prévu pour accueillir Bruce Timm de la plus grande des manières possibles par Urban. Et voilà, ils vont sortir un max de trucs sur lui et ça nous promet un beau stand et un bel événement autour de l'avenue de l'artiste. Donc super. D'autant que c'est pas terminé, Irish, puisque parmi toi, ce que tu as sélectionné, on trouve Superman Aventure. Oui, donc ouais, c'est Superman Aventure, le tome 1. Dans ce tome, on a Lex Luthor qui crée un robot à l'image de Superman qui va dévaster la ville. Et donc Superman va devoir en même temps éliminer la menace et essayer de regagner la confiance de Metropolis. Donc ça fait 22 pages, 222 pages, pardon, c'est un peu court, 22, pour un prix de 10 euros. Voilà. Donc dans le même format que le Batman Adventures dont Clément nous parlait, et également dans le même format que les deux titres qui étaient déjà sortis sur Batman et Harley Quinn dans l'univers des séries animées, donc un format un peu souple, assez sympa pour la gamme Urban Kid. 10 euros, enfin voilà, c'est Urban ne peut pas vous les donner, donc ils vous les font à 10 balles, quoi. C'est très attractif, c'est sûr. Allez, on va passer à l'actu ciné maintenant que le gros bloc VF est passé. L'actu ciné, elle est pas trop chargée, c'est comme l'actu télé cette semaine, c'est plutôt léger. On va commencer avec Civil War et avec toi, Irish. Oui. Donc on apprend notamment de la part de Daniel Brühl qui jouera le baron Zemo, que celui-ci, son personnage sera différent de la version des comics. Donc notamment, il ne portera pas le masque qu'il a dans le comics, le masque qui est très lié justement à ses origines. Donc on risque d'avoir peut-être l'origine du personnage un peu différente de ce qu'on a dans le comics. C'est ça. Juste pas de masque, mais ce sera peut-être l'histoire qui sera différente. Donc voilà, ce fameux masque violet assez emblématique du personnage, ben on ne l'aura pas dans le film. Après, c'est pas pour ça que ça sera forcément mauvais, hein, mais en tout cas, c'est une direction différente. Ces derniers temps, moi, j'ai toujours bien aimé les versions qui étaient un peu proposées par Marvel, qui parfois étaient un peu différentes, on va dire, leur façon de revisiter leur personnage, c'était pas mal. On fait Iron Man 3, hein, Mathieu? Ah, c'est le cata. Coucou le mandarin, coucou. Ah oui, excepté le bandana, oui, ça j'avais oublié celui-là. J'avais oublié celui-là. Oui, c'est vrai que Non, mais mais en je général, pense. oui. En général, oui, c'est plutôt bien. Mais je pense pas que ce sera de cet ordre-là. On va pas avoir quelqu'un qui On va. va croiser les doigts. On espère. Et puis on a appris très récemment, Arnaud, la présence dans la phase 3 d'un film Ant-Man and the Wasp. Et on a appris une nouvelle concernant ce film déjà. Ouais, alors déjà le film fait rêver tout le monde, on a tous envie de voir cette suite. Et en plus, ah bon, Bon, ouais. toi qui n'as pas aimé le 1. Ouais, je sais, mais du coup, ça permettra de voir Peña, de revoir Peña. Du coup, rien que pour ça. Ouais. Bah, Peña, le personnage super drôle, enfin, l'acteur qui joue le Ah personnage. oui, ah Bah, va oui, voir Seul sur Mars, Seul sur Mars, il est dedans et c'est un bon film. ben bah, voilà. Et donc, pour Ant-Man qui sortira en juillet 2018, on connaît déjà le réalisateur. En même temps, c'est pas très étonnant puisque c'est le même que le premier film. Donc, apparemment, Peyton Reed serait, selon THR, c'est pas encore confirmé, mais il serait en train de finaliser son contrat avec Marvel pour réaliser la suite. Voilà. Donc, pour Donc l'instant, c'est juste sans doute juste une histoire de cachet, mais ça devrait être fait. c'est la place de la virgule qui est en train d'être C'est réglée. ça. Voilà. Du coup, continuité pour Ant-Man qui garderait du coup son réalisateur. Pas forcément une bonne nouvelle. Ouais, c'est clair. Une bonne nouvelle peut-être, en revanche, dans les jours qui viennent. Oui, dans les jours qui viennent, j'y crois. dans les mois. Bah La si, semaine. forcément dans les mois, hein, puisque. Oui, mais pas cette année, plutôt. Pas cette année. Mais la semaine dernière avait lieu. Bob Kane a reçu son étoile sur le Hollywood Boulevard. Et il y avait Zack Snyder était présent pour le représenter. Et il a donné quelques interviews sur Batman v Superman. Et il a annoncé qu'ils avaient un trailer qui devrait arriver bientôt. Et bientôt, qu'est-ce que ça veut dire dans sa bouche? Je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est une question de jour, de semaine? Ou est-ce que tout simplement ça sera début d'année prochaine? Non, ce sera bon. Alors moi, je dirais plutôt fin de l'année, mais vraiment, vraiment fin de l'année. Hein. J'ai pas envie de voir. Enfin, ils ont montré déjà pas mal de choses et j'ai pas envie de. Et on en ressorte une autre bande-annonce là et qu'ils en ressortent une autre début janvier, par exemple. Avec. Et après, on sait très bien qu'ils sortent des mini bandes-annonces d'une minute à la sortie, proche de la sortie du film, ça. J'ai pas trop envie qu'on nous en dévoile beaucoup trop sur l'intrigue. Donc, une bande-annonce en janvier, ça me suffirait amplement pour l'instant. Ouais, de toute façon, on a à peu près tout déjà. Donc, d'ailleurs, ça serait peut-être bien d'avoir suite Civil War un jour. Hein. Oui. Ouais, On mais il est va. très bien. Non, mais c'est chiant. Pour moi, ça se fait que ça va faire 6 mois. On a déjà eu deux trailers limite pour Batman versus Superman et toujours rien de ce côté-là. Il serait grand temps de le montrer. Et moi, je l'ai vu, je peux vous dire qu'il est très bien. Je Ah, toi, tu l'as prends deux, vu? trois sur parole. Ouais. Oui, parce Ah. qu'il y a quelques événements Marvel, voilà. Où il a déjà été projeté et ça fait quelques semaines maintenant. Donc, du coup, c'est pour ça que ça paraît un peu long. Ouais, moi j'ai vu un vieux truc sur YouTube, là, filmé en cam, c'était. Je pouvais pas me faire d'avis à partir de ça. C'est clair. On reste du côté de chez Marvel et une petite nouvelle assez rigolote qui a été annoncée par des chercheurs iraniens, Irish. Oui, donc ça concerne les araignées, et notamment qui dit araignée dans l'univers comics, qui dit Spider-Man. Donc il y a deux nouvelles espèces qui ont été découvertes et qui ont été nommées après les deux derniers interprètes de Spider-Man. Donc à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield. Donc celle nommée à partir de Tobey Maguire, parce que c'est un peu con. C'est la Philistata Maguirei. Magwirei. Puisque c'est en latin, hein, il faut le prononcer en latin. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et Donc, puis celle de Garfield, c'est la Preta Garfieldi. Enfin, si moi je croise même une araignée Andrew Garfield, désolé, mais je l'écrase. Désolé Andrew, mais je l'écrase. Donc bientôt, on aura droit à la Hollanda, la Hollandu. Hein. Il y en aura. Pour Tom Holland, au rythme où on va. Allez, on va terminer l'actu ciné avec Clément. Et ça y est, on se doutait que ça allait être ça. Mais enfin, le gros coffret collector de la phase 2 a été révélé. Donc on a eu la valise du Shield avec le Tesseract en phase 1. Et qu'est-ce qu'on aura pour la phase 2? On aura le je sais pas comment on peut appeler L'or. ça, C'est une orbe. l'orbe. Ouais, on aura l'orbe, donc avec plein de comment dire, de goodies, De en Blu-ray, fait. surtout. Oui, des Blu-ray C'est le surtout. principal. Ils sont dans des jaquettes qui ont l'air plutôt sympas. C'est les mêmes designs que la mallette du Shield, parce que la mallette du Shield, du coup, je l'ai, et du coup, D'accord. c'est exactement les mêmes designs. D'accord. Bon, bah, je ne sais pas, donc comme ça. Mais voilà, ça a l'air plutôt sympa. Et forcément, hein, par contre, le porte-monnaie, bah, ça fait mal. Hein. C'est 220 dollars. Ah ouais. Ouais. Puis en plus, ils sortent ça pour Noël. 220 $, version Blu-ray 3D plus Blu-ray plus version digitale, tous les bonus plus 2 heures et demie, je crois, de bonus Ah supplémentaires. ouais. Et puis également, bah, plein de petites bricoles avec des fichiers du Shield, notamment des choses comme ça. Et puis tous les one shots, là, les petits courts-métrages sont évidemment dedans. Enfin, avec quelques autres trucs. Donc voilà, bah, évidemment, hein, ils sortent ça un petit peu avant les fêtes. Ils font le Tant qu'à coup. faire. Mais ça sera disponible encore longtemps, hein, puisque la mallette est toujours disponible, hein, la mallette de la phase 1. Donc voilà, vous avez le temps. Si vous souhaitez vraiment vous la procurer, vous avez largement le temps. C'est une exclusivité Amazon. On va passer à l'actu comics VO. Et Clément, tu vas garder la parole pour une nouvelle un peu moche quand même. Ouais, un peu moche, ben un grand nom, enfin un grand nom, oui, un grand nom Quand même, oui. du comics cet été. Donc, Murphy Anderson est mort à l'âge de 89 ans cette semaine. Donc, c'est notamment lui qui a créé le personnage de Zatanna en 1964 avec Gardner Fox et a travaillé sur énormément de personnages, donc tels que Superman, Batgirl, Hawkman. Voilà, donc un grand nom du côté de chez DC, effectivement, co-créateur de Zatanna quand même. Donc, grand artiste de l'âge d'argent des comics. Et on va passer sans aucune transition, Irish, à quelques annonces Marvel qui sont tombées cette semaine, et notamment deux nouvelles séries. La première consacrée au Punisher. Voilà, The Punisher, qui sera repris par Becky Cloonan, ouais. qui a fait Demo et Gotham Academy, Steve Dillon, qui a fait Punisher Max et Punisher. Autant le nom de Steve Dillon, ça fait plaisir, autant Becky Cloonan, ça va pas du tout là-dessus, quoi. C'est vraiment, ça m'intrigue. Pour le ça coup. Sort quand ça va sortir début 2016, pas trop de date pour le moment d'annoncer. Ça sera sûrement les sollicitations de février, puisque celles de janvier sont tombées. Pas trop loin de la sortie de Daredevil saison 2. Voilà. Et puis la deuxième série annoncée, c'est une série Iron Man. Donc également, on annonce du côté de Marvel la sortie de International Iron Man, qui sera écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Alex Maddy, qui a notamment travaillé sur Daredevil. Le tandem de Daredevil qui se reforme pour cette série International Iron Man. Bon, deuxième série, est-ce que Iron Man avait besoin d'une deuxième série mensuelle ouais. Et puis alors, on nous a annoncé également des nouvelles séries, une série consacrée à Nighthawk et une autre consacrée à Hyperion. Et c'est dans la droite lignée de toutes ces séries complètement absurdes que Marvel a annoncées ces derniers mois. Qui demande une série Nighthawk ou une série Hyperion? Enfin, les sollicitations pour janvier qui sont tombées là, il y a peu de temps, il y a 60 séries dans l'univers Marvel, sans compter les séries Star Wars et toutes les autres séries des univers animés ou machin ou quoi que ce soit. Il y a 60 titres qui sortent, 60 séries dans l'univers Marvel. On n'a pas besoin de se retaper des trucs Nighthawk, Hyperion. Enfin, voilà, franchement, ça, c'est des trucs, c'est vraiment des trucs à la con, qui en plus vont durer 3 numéros et vont être arrêtés parce que ça se vend pas. Forcément, ça se vend pas quand tu vois le nombre de trucs qui sortent déjà. Bref. Surtout le prix aussi des comics chez Marvel. Oui, en plus. Bref, voilà. C'est... Mais à côté de ça, ils arrivent à vendre des trucs, notamment Star Wars, hein, on l'avait dit la semaine dernière, ils seraient en troisième position si Star Wars était un éditeur dans les ventes. Et ça va se confirmer avec l'event prochain, Arnaud. Ouais. Et donc ça va s'appeler Raider Down. Et donc ce sera le premier crossover de l'univers Star Wars, qui va donc commencer le 18 novembre dans Star Wars Raider Down 1, et qui va continuer la semaine suivante dans Darth Vader 13. Et la semaine encore qui suit dans Star Wars 13. Et là, par exemple, donc pour Vader Down 1 qui sort donc le 18 novembre, ils ont déjà vendu 450 000 copies, enfin 450 000 comics, hein, donc aux différents comic shops. Hein. Et donc c'est quand même un énorme chiffre. Un truc assez énorme. Ça sera un des gros succès de l'année avec Star Wars 1, Darth Vader 1, et voilà, tous les numéros 1 Star Wars qui sont super bien vendus. Forcément, un titre comme Vader Dawn, voilà, 450 000 ventes derrière. Donc on sait ce qui va être numéro 1 des ventes en novembre. Allez, ce Mac numéro 27 est terminé. On se donne rendez-vous jeudi pour Sur nos écrans numéro 27. On vous débrief iZombie, son retour pour la deuxième saison. Lundi, la sélection VF sur YouTube. Et puis, mardi prochain, le mag numéro 28. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut à tous. Salut.